c'est pas une trame sonore assez originale à votre goût, c'est parce que vous l'avez déjà entendu ici à 70%. Vous avez en trame de fond sonore ici. Vieux Nintendo 8-bit, c'est The Legend of the Legacy of the Wizard, pardon. Ben là, on va commencer comme d'habitude par ce avec quoi il faut commencer une émission de 70%, c'est-à-dire avec notre thème d'émission unique et invulnérable, chanté par Simon qui s'est encore payé une journée de congé parce qu'il est très important. Et voilà, ça s'en vient. Ça s'en vient. Moi, j'ai quand même plein de belles affaires pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui? Ben là, Tommy en solitaire, ça s'est débrouillé pour vous pondre un show assez solide. Je vais aller chercher mon petit papier juste à côté. Aujourd'hui, c'est les Hell Riders, un film de 1984 de James Bryant. On va en revenir. Aussi, je vais parler de Die Hard 4. Ça va être plein de spoilers, là. Fait que si vous avez pas vu le film, vous êtes un accro de John McClane, ou comme il y a sur la publicité que je viens juste de voir, il est écrit « In McClane we trust ». En tout cas, on n'y est pas avec ça. C'est plus Dieu, c'est McClane. On va parler de Die Hard 4. J'ai également la toune, la possiblement en fait. Moi, j'ai pas de toune qui m'ont frappé plus que celle qui s'en vient. C'est une toune unique. Vous allez voir, on va l'écouter juste après le premier extrait musical tantôt, après avoir entendu ça. J'ai toutes sortes de nouvelles aussi, c'est-à-dire plus de ma vie personnelle, mais vous allez trouver ça intéressant parce que sinon, ben, ça serait plate. Hein. Fait que ben là, on va laisser Simon Fenin. Ouais. Ah oui, moi! Ben oui. Simon! Ben là. Simon Saumon! Puis là, s'il y avait quelqu'un en studio, je lui demanderais est-ce que t'aimes mieux écouter River Euphrates, une des dernières des Pixies? Ou ben non, t'aimes mieux écouter Billy Idol, Pumping on Steel? Je pense que je vais y aller pour Billy Idol, Pumping on Steel Tonight. On va écouter ça, puis on vous revient après à 70%. Ça va être l'amant de la semaine, c'est-à-dire les Hell Riders! Pour vous, les fans. Et voilà, à tantôt. fais pas sortir, ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Don't mess with Chuck Norris. On ne fait pas ça. Ce que vous venez d'entendre, en fait, c'est la musique qui vient avec le sigle de Videoville, qui est la compagnie de distribution qui s'occupe des Hellriders, dont on entend les premiers balbutiements présentement. Les Hellriders, en fait, c'est... ça met en scène les avatars d'une bande de motards qui décident, mais en fait, ce sont 8 motards, puis ils décident d'aller terroriser une ville de 15 habitants. Les 15 habitants sont dirigés un petit peu par le shérif, dont on a plusieurs extraits, le shérif très intellectuel, et puis aussi par Adam West, c'est celui qui jouait le vieux Batman. Ce qui vient un petit peu tétaniser, ce qui vient augmenter la vitesse, le déroulement des choses, c'est que Tina Louise, que vous avez peut-être reconnue, qui jouait Ginger dans l'île de Gilligan dans les années 60, eh bien, elle est encore là ici en 1984, et elle joue une jeune dame qui se perd dans le désert, et qui croise le chemin des méchants, des terrifiants Hellriders. Et d'ailleurs, la prochaine séquence, c'est l'opinion des Hellriders, que les Hellriders sont des femmes. Là, je vais essayer de trouver ici mon petit 4 minutes 9 du début. Vous allez voir, c'est de toute beauté. Et voilà, on est rendu, on écoute l'opinion de Snake. Écoutez-moi la paix, madame. Tu vois ce que je t'ai dit, Rocky? Les femmes, c'est rien que des problèmes. Des problèmes? Tu vas en avoir des problèmes, vieille tante! Ta gueule, chienne! Oh. On t'a pas sonné! La vieille droguée va comprendre exactement ce que Snake veut dire! Ah, la salope, la chienne! Hé, hey, Connie! Elle a de la classe, la vieille! Ah, ça donne lui! Vous n'allez pas vous taper dessus pour une femme, non! Ah, elles valent pas ça, les mecs! Allons! Les mecs, Non. Rick, tu as voulu faire partie des Hellriders, non? Remue ton cul, curé manchot. On va rater la rigolade. Sois béni, mon enfant. Ce n'est rigolo que quand Snake punit quelqu'un d'autre. Peut-être que Snake va s'occuper un peu d'elle. Toi, tu ne peux pas lui mettre ton doigt. Comment s'occuper de moi? J'ai commis un péché. Et Snake va juger selon la loi. Il m'a coupé la main pour un vol. Vous n'êtes que des fous. Tous. On est les Hellriders. Satan! Oh non, niaise pas avec ça, hein? Les Hellriders croient en Satan. Moi, je me trouve un petit peu nono parce que je vous avais préparé un beau poème pour aller avec les Hellriders. J'aurais aimé ça le lire avant. J'ai préparé également une mise en scène pour envoyer douleur sonore, puis là, ben, je l'oublie. Fait que ce qui va arriver, c'est qu'on va écouter le thème du Club des 100 watts. Je vais vous lire après ça, mon poème sur les Hellriders. Vous allez voir, ça va être fabuleux. Bon, ben, pour l'instant... C'est l'unique thème du Club des 100 watts. On vous revient à 70% avec les Hellriders. Les enfants sincèrement, je pense que ce que je trouve le plus comique dans cette tune-là, c'est la guitare. Le gars est comme trop dedans. Ça en fait un petit peu mal, là. Mais non, on va continuer en musique avec Now You're a Man, DVDA, le groupe des gars de South Park. Pas sûr, vous allez voir, on va parler de quelque chose de très particulier. A man, is it the power in his hands? Is it his quest for glory? Give it all you got to fight to the top, so we can know your story. Now you're a man, a man, man, man. Now you're a man, a manny, manny, man, a man, man, man. You are now a man, you're a man. What makes a man? Is it the woman in his arms? Just 'cause she has big titties? Or is it the way he fights every day? No, it's probably the titties. A man whose name you'd love to touch, but you mustn't touch. His name sounds good in your ear, but when you say it, you mustn't fear, 'cause his name can be said by anyone. J'étais ce qu'on appelle un grand naïf à l'époque. Il y a même un type qui a tenté de me prendre la peau. N'est-ce pas avec ça, lui? Dernière séquence, ça venait de Jess Han. En fait, c'est un vieux film dont j'ai oublié le titre. Il va falloir me pardonner, mais avant, on avait quand même Homer Simpson qui nous chantait son nouveau nom, Max Power, qui a pris sur un séchoir à cheveux. Quand même une bonne blague. Non, moi, je voulais vous parler du simple fait que moi et mon petit frère, la semaine qui s'en vient, le mercredi, en fait, on va aller voir The Police, qui a décidé de se reformer après 24 ans d'inexistence, sans jamais avoir officiellement déclaré que le groupe était défait. Une situation assez particulière. D'ailleurs, il y en a qui oublient que les Police ont joué ensemble au mariage de Sting en 91, et puis un petit peu plus tard, je pense au tournant 2000, pour une affaire de charité, quelque chose, là. Mais sinon, ben, c'est quand même un trio qui a fait de la méchante bonne musique au début des années 80. The Police, qui est sûrement le groupe que j'ai entendu le plus souvent en thème de temps brut. C'est, oh oui, officiel que c'est le groupe que j'ai écouté le plus souvent et longtemps. Moi, je vais aller voir live. Je pensais jamais que c'était pour arriver de toute ma vie. Puis en plus, le même été, un petit peu plus tard, ben, je vais aller voir un autre groupe live avec lequel j'ai grandi, avec mon bon pot de bone. D'ailleurs, on va jouer la toune, là. Après ça, on va revenir avec d'autres extraits des Hellriders, les excellents Hellriders. Et puis, ben, je vais parler un petit peu de Die Hard 4. Pour l'instant, ça va être Harold de Barrel de Genesis. C'est quand même assez varié, hein. Puis là, en arrière, vous avez Final Fantasy 2, une toune qui vient du premier château avant que Cécile devienne un paladin. Dans ce temps-là, c'est encore un Dark Knight, puis il se fait donner un cadeau à aller donner au deuxième village, là. Ça vous intéresse, c'est sûr. Fait que Harold the Barrel. Après, on revient à 70%. À 1974. Non, même pas, 72. just the same. You can't last long. If I was many miles from here, I'd be sailing in an open boat on the sea. Instead, I'm on this window ledge with the whole world below. Up at the window. Alors ici, Guy Nantel, la sympathétique équipe de 110%. 70%. Voyons, merde, tu vois, je m'étais dit pourquoi je me mets dans... Ça va être la meilleure ouais, pub. Ça, ça veut dire, c'est ça que vous allez garder. La meilleure de tous les temps, c'est sûr, de l'excellente publicité. Voilà un concept qui est quand même assez dur à avaler. Pour l'instant, ça va être de retour au Hellriders. Cette fois-ci, on va, comment dire, faire face à la bêtise profonde du shérif. Ah, mais c'est vrai, avant, je vais vous lire mon poème, hein. Oui, mon beau poème. Donc, ça m'a été inspiré par le film qu'on a aujourd'hui. Hellriders, oh Hellriders. D'une heure et demie de ma vie, vous m'avez soulagé. Car impossible pour moi, je vous le dis, de cette heure et demie me rappeler. Et comment croire que j'ai vécu ces souvenirs dont la trace je n'ai plus? Sûrement l'application tangible et réelle des théories freudiennes de défense de l'esprit. Entre vous et moi, on s'en fout de ça en esti. Hellriders, oh Hellriders, pitié, restez en poubelle. Ça, c'est vrai, hein? Bon, ben là, l'instant est venu de faire face et de rencontrer le shérif qui veut marier sa fille pour les bonnes raisons. La petite ambiance de bonheur, hein? Là, ce que vous manquez, c'est Adam West avec une calotte à screen avec un os dessus qui fait du jogging. Bonjour, docteur. Bonjour, shérif. Vous avez le résultat des analyses de sang? Oui, les analyses de sang sont satisfaisantes, Jim. Vous ne croyez pas que Joe est un peu vieux pour votre Suzanne? Je ne me fais pas de soucis à ce propos. Suzy sera très heureuse avec lui. C'est exactement ce dont elle a besoin pour être constamment enceinte. Peut-être qu'elle a besoin de quelque chose de plus. Il y a une chose dont je suis certain. Suzy et Joe vont fabriquer deux ou trois bons citoyens qui assureront l'avenir de Ramsburg. Ce sera du travail pour vous aussi, n'est-ce pas, Toubib? À plus tard, shérif. C'est beau l'amour, hein? Toubib! Ouais! En passant devant son garage! Non, non, non, ça c'est pas intéressant, là, il demande à Joe machin, là, là, on passe à 12 minutes 29 pour les prochaines aventures, encore une fois, avec le shérif. Bonjour, shérif. Bonjour, Iris. Bonjour, tout le monde. Salut. Mais, salut, shérif. Shérif. On remarquera que personne ne répond tout simplement bonjour. Salut, shérif. Suzy est très excitée au sujet du mariage. Personnellement, je serai ravi quand toute cette affaire sera finie. Ah, où est Suzy? Elle est encore en retard. Ah oh, non, jamais, Suzy. Elle et Harriet sont chez Betsy. Elle s'occupe des détails du mariage. De toute façon, je leur ai laissé du temps aujourd'hui. Comme d'habitude? Sûr, Iris. Je suis prêt à essayer encore. Je mise sur le fait qu'en continuant à prendre ton petit déjeuner, tu finiras par apprendre à le faire tout au tard. Oh, que du mot, shérif taquin. Voyons donc. Ce qui est beau avec ce film-là, c'est que c'est probablement le seul... Non, c'est pas vrai, si on met à part Robot Flic 2, sur lequel moi et mes premiers collègues... Oh, pardon, pardon, je dis déjà le bachat. On a fait notre coming out. Non, en fait, ce qui est spécial avec ce film-là, c'est qu'il y a un phénomène qui existe pour les amateurs de douteux. Ça s'appelle un coming out. Ça, c'est quand, à un moment donné, tu te dis, voyons, c'est assez, j'en ai assez de me faire prendre pour un cave. Il est où le réalisateur que je l'étrangle? Il y a un moment donné que la rage prend le contrôle, puis ça, ben, un coup que ça arrive, on dit que t'as fait ton coming out. On retourne avec le shérif. Shérif, vous croyez que le docteur Stanley est déjà à son cabinet? Vous avez une nouvelle maladie, Clarelle? C'était quoi la semaine dernière, la lèpre? Papa est inquiet pour son cœur. Ah oui, vous êtes hypochondriaque. Ce qu'il vous faut, c'est un peu plus de cul. Oh. Ah, ça pue le quotient, ce shérif-là, ça c'est sûr. On va aller un petit peu plus loin pour encore constater sa bêtise. Cette fois-ci, c'est 27 minutes 35, bien sûr. Là, on parle encore d'un shérif avec le quotient. Là. Vous savez, j'ai l'impression, shérif, que vous n'allez rien faire contre cette bande de motards. Madame, vous avez dit vous-même l'endroit Ocmedos. Or, il n'est pas dans mon secteur, c'est donc en dehors de ma juridiction. Mais je suis sûre qu'ils ont tué un homme. Ça ne change donc rien. Hein? C'est pareil. Je vais vous dire, mademoiselle Delaney. Nous vivons dans une petite ville propre. Les gens viennent ici visiter. Ils dépensent bien sûr un peu d'argent. Et tout le monde est content. Je vois. Mais si quelqu'un est tué ou quelqu'un d'autre frappé, alors le prix du mètre carré peut baisser, n'est-ce pas, shérif? Possible. Et au sujet de la protection des bons citoyens ici et de la loi? Vous avez tout à fait raison, mademoiselle Delaney. Croupière de blackjack à Las Vegas. Vous n'êtes pas une citoyenne de ma ville. En ce qui concerne la loi, si je m'en tiens vos apparences, je dirais que vous êtes une pute à 200 dollars plutôt qu'une croupière. Ou je me trompe. Oh, le shérif mène l'enquête, ça n'a pas de bon sens, ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser Hellriders de côté un petit peu. On va aller se baigner d'une autre ambiance, d'un vieux douteux. 1986, Brandon Lee, qui tenait la tête d'affiche dans son film le plus douteux en carrière, Mercenary Man, c'est la toune. Le film, c'était Mission Laser. Ce qui est spécial, vous allez reconnaître la voix, vous allez reconnaître un petit peu le style slide guitar, c'est que la toune qu'il y a là a été faite par Dave Knopfler, le petit frère de Mark Knopfler, qui est le lead de Dire Straits. J'ai passé une toune de lui la semaine passée. Donc, vous allez voir Mercenary Man, trame sonore de Mission Laser, un excellent film où un gars se fait kidnapper et demande l'aide du meilleur des meilleurs. OK, je vous laisse avec ça, puis on revient. Je vais vous parler de Die Hard 4 après. À qui appartient-il? À celui qui l'attrape. Ah! He only knows where he is going to. It's like a dream within a dream. His heart beats like a hammer, like the backbeat of a song. And the fire burns within him, and he knows he don't belong, but must be strong. He's a mercenary man. À partir de là, il dira pas grand-chose d'autre. Thank you. Quel endroit allons-nous chercher? Le seul indice que nous ayons est la parole d'un muet. Ouh, c'est fort. On va maintenant essayer un autre, voir si c'est mieux. Votre mission consistera à anéantir et à localiser, vous et vos quatre hommes, ce qui n'est pas une mince affaire, le quartier général nazi d'où partent les ordres d'offensive contre l'armée de libération yougoslave. Quoi? Non, je suis pas sûr que j'ai compris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça venait de films vraiment disparus dans la masse. Pour l'instant, je vous parle de Die Hard 4, un film qui vient de sortir tout dernièrement. Si vous avez peur des spoilers, allez ailleurs parce que je vais vous parler du film dans son entièreté. En fait, je vais gâcher des punchs si vous voulez. Moi, ce que j'ai aimé la première fois que j'ai rencontré Die Hard 4, ben, premièrement, je suis un fan, là, John McClane, ok, pis tout, là, il est capable d'en prendre, il y a des HP à l'infini, puis on sait qu'il va réussir. Là, il y avait sur les autobus, il y avait une grosse pancarte noire avec des lettres blanches qui était écrit « Marche, vie libre ou crève, 27 juin ». Moi, je sais pas, c'est comme un message qui est fort. Tu sais, je veux dire, si ça avait été un groupe d'anarchistes qui avait payé pour faire mettre ces autobus de la ville de Montréal, vie libre ou crève, puis une date. Moi, la première fois que je l'ai vu, je savais pas qu'il y avait un Die Hard 4 qui s'en venait, parce que je le confesse, je me tiens pas vraiment au courant de ces affaires-là, parce que ça m'intéresse pas. Et puis, ben là, dans le cas présent, ça aurait peut-être dû m'intéresser, parce que j'aurais pas pensé jamais que peut-être qu'un jour, il était pour avoir des espèces de terroristes qui étaient pour venir... Je sais pas, moi, vie libre ou crève, c'est fort là, comme message de mettre ça sur les autobus de la ville. De toute façon, là, on va parler du film lui-même. Un film comment dire, j'ai parlé des HP de John McClane, et bien voilà. Là, ce que j'ai ici, c'est la liste des HP qui perd, ou en tout cas, on va essayer de passer au travers, là. À 10 minutes du début du film, John McClane, le policier professionnel de l'État de New York, élimine à l'aide d'un extincteur et de son arme de poing 4 méchants avec des mitraillettes qui pourtant l'ont surpris dans l'appart du geek. Ça veut dire qu'il est pas chez eux, il connaît pas la place. Il y a 4 gars qui débarquent avec des mitraillettes qui ont pour mission de tuer tout le monde, mais malheureusement, il n'avait pas prévu qu'il y avait John McClane. Ensuite, à 37 minutes, là on a 27 minutes, après une bonne beurrée d'histoire et d'intrigue bien ficelée, des passes de bureau originales, bien filmées, du découpage dynamique. Mais John McClane se retrouve au volant d'un véhicule de police qui est pris en chasse par un hélicoptère. Bon. Là, au début, il repousse l'hélicoptère à l'aide du jet d'eau d'une bombe d'incendie qui fait sauter. Parce que l'hélicoptère est juste par-dessus, fait que là, l'eau, pis tout. Ensuite, après avoir subi une autoroute et un violent carambolage, il reprend le contrôle du véhicule policier, qui a franchement doublé de poids après avoir encaissé toutes les balles, et le fait décoller d'une rampe de lancement improvisée dans le dit hélicoptère. Il se lance bien sûr en bas de son véhicule qui roule à plus de plein de kilomètres-heure, puisque c'est assez pour l'envoyer dans l'hélicoptère. Oui, John McClane détruit un hélicoptère avec un char à la 37e minute. Si c'est pas du grand cinéma, ça. Ensuite, on se ramasse un petit peu plus tard. À 54 minutes 20, attention, John McClane reçoit un airbag, un airbag de voiture en plein visage. Major ouch, ça doit faire très mal de se faire gonfler ça sur le nez. Il survit avec un petit drelin, tasser la tête à gauche, tasser la tête à droite, secouer, voilà, tout va pour le mieux. Ensuite, on se ramasse à 1h02. C'est le début d'une fusillade entre McClane et puis un Gilles louche. Là, ensuite, coup de pied, coup de poing. Bam! On a un cadavre. 1h04. Le geek pirate le central de la centrale et se fait déranger par une des terroristes. Après un long combat contre la terroriste, McClane se débarrasse de la sidekick du kick... La sidekick qui kick du boss de la fin. Ouais, je trouvais ça drôle. Quelques instants plus tard, on se rend compte qu'elle n'est pas vraiment morte. La sidekick qui kick du méchant de la fin revient et garoche McClane en bas d'un 3 étages facile. Non sans lui avoir au préalable refait le visage avec des jointures et des talons. Mais là, c'est pas fini. Vous vous en doutez, hein? McLean y revient, armé d'un char. Il passe dans le building, rentre dans la centrale. Il lutte la fille. Là, la fille est sur le haut du char. Puis là, il passe au travers d'une trentaine de vitrines, des murs, tout ça, avant de lancer le tout en bas d'une rampe d'ascenseur. Malheureusement, comme il est encore au volant du char, puis que la fille est en avant, ben là, le char, il se pogne comme d'un câble. Puis là, il y a un combat dans la cage d'ascenseur entre John McLean et la petite chinoise. Et puis là, ben finalement, il réussit à s'en sortir, non sans l'avoir étranglé avec tout son poids et tout. Il faut dire que la sidekick qui kick du méchant de la fin, il avait pas mal d'HP elle aussi. Là, après ça, bon, il pitch tout en bas, il met le feu là-dedans, voilà, c'est parfait. Là, comme il a tué la pitoune du méchant de la fin, à 1h10 et 30 secondes, le méchant nous le dit en mots tels que tels, c'est une affaire personnelle, on peut pas se tromper. Là, ensuite, à 1h16 minutes, John McLean devient pilote d'hélicoptère. Là, à 1h18 minutes, je m'en vais me faire un bol de céréales. Là, après ça, on se ramasse à 1h34. Avec une arme pointée dans le dos, John McLean fait du cynisme avant de créer un autre cadavre, c'est-à-dire, bien sûr, le gars qui lui pointait une arme dans le dos. Là, on se ramasse à 1h42 minutes, fusillade avec l'expert tueur dans une tour de refroidissement. On note le double coup de pied à la poitrine qui aurait pu le tuer sec. En fait, oui, c'est que le gars, il se balance d'en haut, il met tout son poids dans un double kick à la poitrine de McLean qui est accroché. Je veux dire, c'est de quoi arrêter le cœur d'à peu près n'importe qui. D'à peu près n'importe qui, on s'entend. Et puis, ben là, voilà, McLean passe le méchant à la moulinette, une espèce de ventilateur géant, là, comme il y en a dans tous les films quand il y a un méchant. Après ça, on se ramasse à 1h49, 30 secondes. Ça, c'est la séquence qui, finalement, m'a convaincu de vous faire le speech que je suis en train de faire là. C'est qu'au volant d'un camion remorque de 52 pieds, une grosse flaube, là, McLean fait face à un jet F-35 de l'armée américaine. Un véhicule de combat équipé de mitraillettes, de lance-missiles et d'un overwing système haut de gamme lui permettant de flotter. Qui gagne? Est-ce que c'est McLean armé d'une flaube? Ou ben non, c'est le jet de combat? Ben, en tout cas, McLean gagne. Non sans s'être fait scier son véhicule en deux par la mitraillette du jet et non sans avoir perdu une autre quantité considérable de HP à cause d'une chute parce que tout tombait puis tout, là, il faut le voir. Là, j'ai une petite note sur le F-35, parce qu'en fait, dans le film, c'est le F-35B. C'est Wikipédia qui m'a dit ça, Wikipédia qui sait plein d'affaires. Le F-35B présente une variante du STOVL, Short Takeoff Vertical Landing, ou décollage court et atterrissage vertical. Mais en fait, ça, c'est le principe qui permet justement de faire flotter le jet en mettant une autre turbine de turbo-réacteur, c'est ça, une autre turbine de réacteur juste derrière le cockpit. Ben, ça fait que là, l'espèce de centre de gravité du vaisseau peut flotter autour de ça. C'est sûr que ça coûte cher et puis que ça a besoin de plus de gaz, mais voilà, ça doit être assez pratique pour tuer des John McLean dans des flots. Je crois que ça n'a pas marché cette fois-là, là, mais on espère bien que dans le futur, ça va marcher. 1h55, McLean reçoit une salve de mitraillettes dans le dos. Je vais leur dire encore parce que c'est parce qu'il restait assez de HP pour survivre. McLean reçoit une salve de mitraillette dans le dos. Et puis maintenant, 1h57, finalement, on se ramasse à la fin. John McLean, qui se fait pointer par le fusil du méchant, décide de se tirer une balle à lui-même dans l'épaule pour que la balle lui passe au travers de l'épaule et aille tuer le méchant en arrière. Et voilà. All in a day's work for John McLean. Là, on va aller écouter quoi? On va aller écouter Tragically Hip, The Bear. C'est fort, ça. Ça va faire du bien. Ça va faire autrement que tout ce qu'on a eu autour. Hein? Et voilà. The Bear, Tragically Hip. Merci d'avoir écouté mon coming out sur... Ça reste un bon film. Ça reste un excellent film d'action, mais faut pas écouter ça pour se dire la vie, c'est ça. Parce que la vie, c'est pas ça. Il y a un moment donné que tu peux pas péter une 40e vitrine de centre d'achat sans avoir besoin de t'asseoir et de prendre un café. Fait que je vous reviens après. Saw your flame. It was all over for you. And what's his name? I think it was Algonquin Park. It was so cold and winter dark. Promised hibernation high. Took me across the great black plate of ice. top deck guns, top the truth and reconciliation's done. But with my belly full, I intended to get something done. Islander, I woke up in the dead of spring, more hungry than anything. Sorte que Laura qui revienne, et c'est pour justement pas tuer le temps en attendant le retour de notre ligue nationale préférée qu'on va écouter ici. Patrice Brisebois donner son opinion de Patrick Roy. Oui, Patrice, tes impressions sur l'intronisation de Patrick Roy au Temple de la Renommée? Patrick Roy. Ben, Patrick Roy, c'est tout d'abord un gardien de but. Un gardien de but qui a débuté ici à Montréal. Un gardien de but. On se souvient qui a gagné. Ce que je retiens de Patrick Roy, c'est d'abord un gardien de but qui a débuté ici à Montréal. Qui est présentement intronisé au Temple de la Renommée. Oui, merci Patrice pour cette réponse. Comme si. Hey, soldat! Oh putain de merde! Tu veux peut-être que je te lave cou? Qu'est-ce que t'as dans le citron, soldat? Des nouilles, hein? N'importe quoi. Et voilà, on retourne se plonger dans les Hellriders ici. Là, c'est une séquence de 4 minutes. C'est assez long, mais vous allez voir, ça explique un petit peu la motivation de Snake, qui est le boss des Hellriders. Vous allez voir, il parle avec son ami le curé qui est pas mal aussi fade que lui. Là. Il pourrait concourir les deux au concours international de la fadeur. Mais pour l'instant, on écoute Snake et le curé des Hellriders. Ben oui, c'est ça qui va arriver. Ah, ça fait mal, c'est pas bon ce film. En tout cas, vous allez voir. Non, c'est ça, c'est que... La vue de ton corps divin. Ouais, ouais. Me remplit l'esprit de désir spirituel et charnel. Douloureux choix. Qu'est-ce qui maquille encore ces cons? C'est mon ange. Mon ange gardien, tant qu'elle sera là, rien ne peut m'arriver. À part ta connerie. Mais qu'est-ce qui retient Dan si longtemps? Où est ce pauvre connard de Snake? Écoute le verbe et apprends. Je me rends vers la montagne et je me dirige vers la carrière. Et Snake, prie aussi. Pour revenir, si Dieu le veut. Oublie tes prêches de merde et réponds à ma question. Ça va. Snake savait que tu nous voulais ici au camping. Pour ça, il a dit à Stubby, à moi et à l'ange de revenir ici. Comme ça, tu sais qu'il arrive. Ouais. Ouais. Attends. N'est-ce pas, l'ange? « qu'est-ce qui retient Snake si longtemps? S'il n'arrive pas au plus vite, je vais vous le faire payer très cher. C'est ça qui arrive en fait, c'est que là c'est Snake qui veut rencontrer le band d'une boss le boss d'une bande rivale, c'est ça, pour se séparer le territoire. Là, il a laissé son curé en attente avec son ange, qui est une fille qui ne parle jamais et qui ne met jamais de linge. Très crédible. Et puis ben là voilà, on est rendu au moment où on attend que Snake arrive pour le plus grand bonheur de tous ceux qui aiment les affaires vraiment douteuses. N'a rien à me dire pour m'empêcher de vous foutre tous dehors à coups de pied au cul. Nous devons nous associer, grouper nos gars, rouler tous ensemble. On pourra contrôler une ville entière. Unis, oui, jusqu'au but. Un but commun. Un avenir commun de gloire. Ouais, un avenir de gloire. Mais nom de Dieu, t'as un grain au cerveau, mon vieux. Pour qui tu te prends? Adolf Hitler, Rommel, Bela Lugosi et Klax Dumont passent par ton trou du cul? Alors? Snake n'est pas le patron des Hellriders. Je suis 10 fois plus dur. Là, ce qu'il faut voir, c'est que là, le gars, il a une gale sur l'épaule. Là, quand il dit « regarde », c'est parce qu'il montre que c'est un dur de dur en arrachant la gale qui est sur l'épaule. Il arrache sa gale. Trop du cul, t'oses même pas faire ça. C'est un dieu de vas-y, dieu. Vas-y, regarde. Mais il se fait provoquer. Connard. Mais il met sa gale dans sa bouche. On se dit c'est un dieu de dieu. Ne me dis pas un mot. Un mot de plus. Hé! Snake, tu es fou et stupide. Je t'attrape en train de rôder autour du camping, je prendrai tes couilles pour me faire des boucles d'oreilles. Alors disparais de ma vue. Ouf, des couilles en boucles d'oreilles. Toi, t'es vraiment le roi des cons, te tuer, c'est trop... Violez vos mères, vos familles, les écoles, les amis, car vous êtes les Hellriders. Et voilà, car vous êtes les Hellriders. On en a absolument rien à faire des Hellriders. Là, on va aller écouter le Mercedes Band. On a écouté une bonne tonne la dernière fois. Là, on va aller plus dans le douteux. Flash tes lumières, une composition originale de Bourbon Gauthier. Bourbon Gauthier. En tout cas, voilà Flash tes lumières du Mercedes Band. Non, j'aime vraiment pas le volume. Je sais pas si c'est bien doux, cette version-là. Bon, on va aller écouter d'abord Captain Beefheart, Ice Cream for Crow. Je reviens juste après pour le mot de la fin. On a déjà passé une heure, ça passe vite, hein? It's so hot! Looks like you have 3 beats, Crow! The moon's so full! Why? You know there's something. The moon was a stone's throw. Stop the show. I need to say hello to the crow. Light the fire, piano. The moon showed up and it started the show. Tonight there'd be ice cream. Ice cream for Crow. Ice cream by night. Sun cream by day. We'll be right back. safe, stable. Ice cream for clothes. Crow pants the scarecrow. Crow dance a ho-ho. Crow dance a panther. Scarecrow, you answer. You can he and haul, laugh and scratch. Ha, ha, ha. Shake my hand, give me a call. Two tears in a haystack. Scarecrow, get back. Tonight there'd be a feather treatment. Eh oui, on est un petit peu court dans le temps. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais assassiner le capitaine Beefheart ici pour nous permettre de retourner aux dernières séquences des Hellriders, parce que c'est quand même des belles juteuses. On va encore subir. Là, ça va être le moment de Snake et du curé qui parle théologie. Ça le prenait avant la fin de l'émission. Curé! Ça t'avance à quoi de lire cette merde? Ne juge pas. Laisse-toi juger. T'en fais pas, curé. Personne n'a jamais jugé Snake. Beaucoup ont essayé. Ah, mon petit serpent. Personne n'échappe au jugement de Dieu. Le Père, chapitre 1, verset 1. Tout ça, c'est de la merde. Personne ne peut juger Snake. Jamais. J'ai besoin de rien ni de personne. Personne n'est plus fort que moi. Je suis le chef des Hellriders. Ne l'oublie jamais. Mais à quoi ça sert? Je rappelle que les Hellriders, c'est 8 personnes. D'être le chef des Hellriders. Hein? Si on a perdu son âme à jamais. Ah, homme de foi. Curé, tu es si rempli de spiritualité. Tu es si fidèle à ce que tu lis dans ta Bible. Si fidèle au Dieu dont tu parles. Toutes les choses se combinent pour le bien. Pour ceux qui aiment Dieu. Article 8:28. Je croyais que ton Dieu aimait pardonner tant l'autre jouait toute cette merde. Tu veux mon poing dans la gueule? Il se vantait fièrement tantôt d'avoir choisi le diable, puis là, finalement, il a comme l'air d'être un petit peu mélangé. Ça fait plaisir de te savoir de mon côté. Tu sais, Snake, parfois t'es un vrai héros. Et voilà, c'est tout. C'était la fin de la séquence. Faut ce qu'il faut, là. Je veux dire, Snake, sa position vis-à-vis Dieu est établie. Du fait qu'il sait que c'est lui le plus fort des plus forts, c'est lui le patron des Hellriders, et il n'obéit à personne et ne peut être jugé par personne. Il va mourir avant la fin du film. Il est tué par ses propres hommes. Comme c'est dégoûtant. Non, je m'en fous pas du tout. En fin de semaine qui s'en vient, content de vous annoncer que moi, Simon Perrotte, ainsi que Damien, l'équipe de l'émission Feu, l'émission, ainsi que, voyons, le mardi soir, là... Voyons, vieille école, bien sûr. Eh bien, on va se retrouver pour aller dans un pit de sable filmer le premier sketch de ce qui devrait être Il faut que le monde sache, une émission que nous tentons de créer et diffuser, consacrée aux films que chaque semaine je vous présente, c'est-à-dire les films les plus douteux possibles pour créer des questionnements. D'ailleurs, parlant de questionnements, je vais vous laisser sur un petit extrait qui vient d'un film avec Chuck Norris. Et puis après, ben, je sais pas quoi vous dire pour la semaine prochaine. Ça devrait être No Retreat, No Surrender 2. Je vais essayer de quitter un invité pour faire moins schizophrène. Et puis, ben, je vous aime beaucoup. Et merci de passer une heure par semaine avec moi. Voilà. Donc, je vous laisse avec des extraits et puis une petite composition originale de Martin Godette. Rock on! Vous autres, vous connaissez ça. Les hommes n'oublient rien. Ils changent. pas se rappeler. Tu es décoratrice et non psychanalyste. C'est la même chose. La même chose. Hélas, papa. Les événements pètent un plomb. J'ai vraiment mal à mon occipital. C'est quoi ça, aussi? Mais là, ça va être mieux. Sandwich est prêt? Assieds-toi! Allez, vas-y, vite! Assieds-toi tranquille! Personne ne bouge, ramasse tout l'argent que tu trouves! Je tire dans le tas si quelqu'un bouge! Ok, voilà mon argent. Hé! Annule mon sandwich! Fermez les yeux. Soyez complètement relax. Ne pensez à rien. Laissez votre esprit percevoir la vérité comme seulement Yarakunda la connaît. Ouvrez-vous. Recevez. Soyez complètement relax. Éliminez tous vos souvenirs, quels qu'ils soient, même s'ils sont doux. Oubliez. Oubliez. Seulement la vérité de Yarakunda peut vous donner seulement Yarakunda et sa vie. We'll be right back.